On va faire une chanson. Allez, fais-nous un petit morceau, Donati. Tu joues plus de la batterie, Donati ? La batterie. Bon, tu nous fais un morceau, sinon je te fais du bon, tant pis. Garçon, elle a grillé. Putain, je suis dégoûté. J'ai perdu 70 euros. J'ai perdu 70 euros.